protéger fille du Sahel. À la peau d'ébène, démarche chancelante. Oh oh oh oh, Kadi, transporte-moi au Sénégal, pays de tes ancêtres, Ziguinchor, ton village. N'oublie pas Saint-Louis, où la nature est flamboyante. De belles plages si sauvages, loin de toute pollution. Retiens ta promesse, oh Kadi, musée bouger national, à la cour du vieux Ndiaye le sage, détenteur de nos valeurs. Oh oh oh Fatimata, tu m'attendras à Dakar, où le beau jour devient sourire, Dakar aux mille couleurs. Ne mourra pas au son des clochers, revivre les batailles d'antan de Soundiata Keita. Rappelle-toi, oh Samia, de tes lettres enflammées, me traduisant l'air du temps, pile de Gorée, symbole de notre histoire. Oh, oh ma belle Samia, emmène-moi au Sénégal, pays de tradition, ok, viva l'Africa. Bonjour devient sourire, Dakar aux mille couleurs, carrefour de la négritude. Tu m'amèneras à visiter le lycée William Ponty, en souvenir de nos élites combattant pour l'indépendance. Oh yes Sénégal, et que vive l'Africa. Sénégal, Sénégal. Oh yes, oh yes, oh yes Sénégal. Que soumaïga, Sénégal. Nangade, Sénégal. Sénégal, Sénégal. Sané Mamadou Mariam, Kessouma. Nambakouga, Sénégal. Oiga. Sané Mamadou, Kessouma. Kessouma, Ike, Atiyo. Sanya Kadi, Kessouma. Kessouma, Ike, Oye. Samawai, Nangade. Samawai, Samawai, Samawai, Nangade. Magnifique, Sabarak. Jeju Tamba, Tuti, Kesumai. Kesumai, Ket, Adio. Aha. Madame Samé, envoyez le Ket. Kesumai, Sénégal, Kesumai, Ké. Kesumai, Kesumai, Sénégal, Kesumai, Ké. Nangade, Sénégal, Mangifire, Oye. Nangade, Sénégal, Mangifire, Oye. Kesumai, Kesumai, Sénégal, Kesumai, Ké. Nangade, Sénégal, Mangifire, Oye. Kesumai, Kesumai, Sénégal,